Gestalt, mon ami. Non, mais quand enfin, si oui, dois-je me taire ou ressasser que je me sens si seule, le temps d'un soupir qui, à la gueule, me crache mon avenir. J'ai pas d'écueil, ni l'œil du deuil de mon père qui, à la gueule, me rappelle aucun souvenir. Rendez-vous un jeudi, et si j'oublie mon esprit, dois-je me fuir ou me refaire en catimini? Un cœur de volontaire qui couperait le cordon lié à sa mère. J'ai pas si peur, ni l'heure à fleur des blessures. J'ai qu'une odeur au bord des goûts de bavure. Si je n'y arrive plus, que je me sens abattue, est-ce cruel d'être absolu quand je me sens si seule et que le rien devient tout, que je le veuille ou pas? Eh bien, je l'avoue, j'ai mal à l'œil et j'ai l'écueil qui me sert d'arme et de treuil pour m'échapper de ma chair. Je me sens si seule, le temps de voir que je suis seule, et j'ai ma gueule qui me rappelle que je suis seule. Je me sens si seule, le temps de me dire que je suis seule. Je me sens si seule, avec ma gueule. Je me sens si seule, avec mon deuil. Je me sens si seule, je me sens si seule.